Exercice 7, page 52. Virelangue. Ce père a peur de perdre ses sœurs. Ce père a peur de perdre ses sœurs. Ce père a peur de perdre ses sœurs.